la journée d'avoir les yeux sans cesse en l'air, d'avoir la tête si occupée par tant de désirs à satisfaire. Les rêves enseignent, j'arrive plus à penser. Dans les signaux je baigne, j'arrive à les penser. Les ampoules s'éteignent pas la nuit, les idées stress traînent au produit. Qu'on ne nous offre pas nos rations de rêve pour tomber dans le panneau de slogan de décoration et de partout. Qu'on ne nous offre pas nos rations de rêve pour tomber dans le panneau de slogan de décoration et de partout. Qu'on ne nous offre pas nos rations de rêve. Et de partout, j'y sais des corps. J'y sais des corps. Les yeux fatigués, carcernés, tout m'interpelle. Mais suis-je concerné? La réalité d'incarcéré dans de faux rêves, je suis consterné. L'œil en déclin, la tête en deuil, ce mobilier urbain fait des clins d'œil. J'y prête plus tellement attention, dans mon crâne se fait l'impression. La fin de ma colonisation, au risque de me mettre à penser, je préfère avoir des yeux crevés.